Mal dans votre corps, vous vous trouvez laid et gros? Vous redoutez de faire subir aux autres vos traits disgracieux cet été à la plage? Essayez la nouvelle crème Total Body 3 jours 3 nuits de Ravaltoline Cosmétique. Grâce à ses molécules d'acide sulfurique combinées à des huiles essentielles de silicone, Total Body 3 jours 3 nuits fait fondre 90% des amas de graisse de votre corps et gomme les traits disgracieux de votre visage. Le reste des graisses est déplacé vers les pectoraux et vous sculpte une silhouette d'Apollon en 3 jours seulement. Ravaltoline Cosmétique, c'est possible. Ça va pas la tête ?